veille. Des ruines dont les soirées sont belles, ouais. La ville tourne, les amants sont ivres. Le vin coulé, mes poches sont vides. Y'a des sourires qui vous font perdre la tête. Ces rires ont sûrement causé ma perte, ouais. Et s'ils aiment les arts et la mort, moi j'enchaîne les cartes et les codes, ouais. Dans un éclair de pensée lucide, tous les jours je dis que demain j'arrête. Les folies de la dépense et suicide, pourtant je repars à la fête. En fait, sans elle, je peine, mon cerveau déraille, ouais. J'ai beau fuir, j'ai son image en tête. Elle est ma perte, elle est ma faille. J'ai beau dire et répéter sans cesse, c'est bon, c'est fini, ça y est, je taille. Ces mots sonnent pour elle comme une caresse qu'elle aime dans un mouvement de taille. Chaud tout à coup, j'avoue, je suis tout à vous quand je m'écarte le long de vos courbiers, yeah. À vos charmes, à nos amours, à mes larmes, à l'heure où j'ai déposé les armes, à l'heure des rendez-vous du soir, où Paris s'éveille. Avant ces merveilles, il faut l'avoir pour y croire, et ça m'a fait des larmes, yeah. Et chaque soir on rejoue la même scène, oh, oh. Et chaque soir on rejoue la même scène, oh yeah. Et chaque soir on rejoue la même scène.